Ned Land ne s'était pas trompé, et tous nous aperçûmes l'objet qu'il indiquait de la main. À deux encablures de l'Abraham Lincoln et de sa hanche de tribord, la mer semblait être illuminée par-dessous. Ce n'était point un simple phénomène de phosphorescence, et l'on ne pouvait s'y tromper. Le monstre, immergé à quelques toises de la surface des eaux, projetait cet éclat très intense, mais inexplicable, que mentionnaient les rapports de plusieurs capitaines. Cette magnifique irradiation devait être produite par un agent d'une grande puissance éclairante. La partie lumineuse décrivait sur la mer un immense ovale très allongé, au centre duquel se condensait un foyer ardent dont l'insoutenable éclat s'était né par dégradations successives. « Il s'élance sur nous !» dit le professeur. Un cri général s'éleva de la frégate. « Silence !» dit le commandant Farragut. « La barre au vent, toute ! Machine en arrière !» Les matelots se précipitèrent à la barre, les ingénieurs à leurs machines. La vapeur fut immédiatement renversée et l'Abraham Lincoln, abattant sur bâbord, décrivit un demi-cercle. « La barre droite ! Machine en avant !» cria le commandant Farragut. Ses ordres furent exécutés et la frégate s'éloigna rapidement du foyer lumineux. Je me trompe, elle voulut s'éloigner, mais le surnaturel animal se rapprocha avec une vitesse double de la sienne. Nous étions haletants. La stupéfaction, bien plus que la crainte, nous tenait muets et immobiles. L'animal nous gagnait en se jouant. Il fit le tour de la frégate qui fila alors 14 nœuds et l'enveloppa de ses nappes électriques comme d'une poussière lumineuse. Puis il s'éloigna de 2 ou 3 milles, laissant une traînée phosphorescente comparable au tourbillon de vapeur que jette en arrière la locomotive d'un express. Tout d'un coup, des obscures limites de l'horizon où il alla prendre son élan, le monstre fonça subitement sur l'Abraham Lincoln avec une effrayante rapidité, s'arrêta brusquement à 20 pieds, s'éteignit, non pas en s'abîmant sous les eaux, puisque son éclat ne subit aucune dégradation, mais soudainement, et comme si la source de son brillant effluve se fût subitement tarie. Puis, il reparut de l'autre côté du navire, soit qu'il l'eût tourné, soit qu'il eût glissé sous sa coque. En chaque instant, une collision pouvait se produire qui nous eût été fatale. Cependant, je m'étonnais des manœuvres de ma frégate. Elle fuyait et n'attaquait pas. Elle était poursuivie, elle qui devait poursuivre. Et j'en fis l'observation au commandant Farragut. Sa figure, d'ordinaire si impassible, était empreinte d'un indéfinissable étonnement. Monsieur Aronnax, je ne sais à quel être formidable j'ai affaire, et je ne veux pas risquer imprudemment ma frégate au milieu de cette obscurité. D'ailleurs, comment attaquer l'inconnu? Comment s'en défendre? Attendons le jour, et les rôles changeront. Vous n'avez plus de doute, commandant, sur la nature d'animal? Non, monsieur, c'est évidemment un narval gigantesque, mais aussi un narval électrique. Peut-être, ajoutai-je, ne peut-on pas plus l'approcher qu'une torpille? En effet, répondit le commandant, et s'il possède en lui une puissance foudroyante, c'est à coup sûr le plus terrible animal qui soit jamais sorti de la main du Créateur. C'est pourquoi, monsieur, je me tiendrai sur mes gardes. Tout l'équipage resta sur pied pendant la nuit. Personne ne songea à dormir. L'Abraham Lincoln, ne pouvant lutter de vitesse, avait modéré sa marche et se tenait sous petite vapeur. De son côté, le narval, imitant la frégate, se laissait bercer au gré des lames et semblait décidé à ne point abandonner le théâtre de la lutte.